بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل دراستنا في قصص القرآن، سائلين الله جل وعلا أن ينفعنا بهذا العلم وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل، كما نسأله جل وعلا الهدى والتقى والعفاف والغنى. وبعد، donc on va continuer inshallah bismillah avec la permission d'Allah sans plus attendre sur la suite de l'étude de la sourate ou de l'histoire qui est dans la sourate, la caverne, l'histoire de ces gens qui étaient dans la caverne. Et donc on a appris la fois passée que ces gens étaient des jeunes hommes, donc des jeunes, qui se sont abrités dans la caverne, qui avaient fui justement les persécutions de leur peuple pour cause que c'était des monothéistes. Donc ils professaient, ils croyaient en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que leur peuple s'adonnait à l'adoration de faux dieux, de fausses divinités. C'était un peuple païen et polythéiste. Et ce peuple-là imposait aux gens de renier leur foi s'ils étaient des monothéistes et croyaient en l'unicité d'Allah. Ce peuple-là imposait aux gens de renier leur foi, sinon pour cause, pour peur d'être châtiés. Donc ils étaient menacés d'être châtiés, soit ils reniaient leur foi et revenaient sur leur religion et s'adonnaient au culte des fausses divinités, ou bien ils étaient châtiés. Et comme il est relaté par certains exégètes, ils disent que justement à l'époque il y avait un roi tyran donc qui persécutait les gens pour les faire revenir sur leur religion et renier le culte du monothéisme, renier la religion du monothéisme. Et de ce fait, ces jeunes, comme il nous a relaté dans cette sourate, dans cette histoire, ont fui justement cette persécution-là. Et donc ils ont fui par crainte pour leur personne, par crainte pour leur religion. Donc ils ont fui pour sauver aussi leur religion. Et on a dit que dans cette histoire, il y avait de nombreux enseignements qu'on va aujourd'hui essayer de comprendre. Donc il y a de nombreux enseignements à tirer de cette histoire. La fois dernière, donc, on a lu l'histoire, on a appris qu'est-ce qu'était l'histoire de ces jeunes de la caverne et comment Allah subhanahu wa ta'ala ensuite leur a accordé secours et les a sauvés. Et comme on avait dit, c'est la finalité de tout croyant qu'Allah accorde son assistance et son secours et son soutien. Aujourd'hui, on va terminer sur l'histoire des jeunes, des gens de la caverne, sur des points importants et des leçons à tirer de cette histoire. En l'occurrence, Allah subhanahu wa ta'ala, dans un des versets, lorsqu'Allah nous enseigne cette histoire, dans un des versets qu'il révèle donc au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Allah nous dit la cause pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ces gens, les jeunes de la caverne, un signe ensuite pour les gens. Un signe pour les gens. En effet, Allah Jalla wa'ala dans le verset nous dit وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقَّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا بُنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا. Et donc, dans une traduction du sens du verset, Allah nous dit « C'est ainsi que nous avons fait connaître leur retraite pour bien montrer aux habitants de la cité que la promesse d'Allah s'accomplit toujours, que les promesses d'Allah s'accomplissent toujours et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. » Regardez. أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ لِيَعْلَمُ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا. Et que la résurrection ne fait pas l'ombre d'un doute. Et une dispute ensuite, Allah nous dit, s'engagea alors à leur sujet entre les gens de la cité. Qu'est-ce qu'ils allaient faire ensuite? Qu'est-ce qu'ils allaient faire ensuite concernant les gens de la caverne? Et c'est là qu'ils dirent, certains dirent, il faut édifier un édifice à leur effigie. Et certains ont dit, il faut construire un sanctuaire, un lieu de prière, masjida. Et donc ensuite, les gens, lorsqu'ils découvrirent les corps ensuite, se sont disputés qu'allait-il faire. entre les gens justement de la cité qui les ont découverts. C'est pour ça que certains ont dit on va édifier un édifice à leur effigie et d'autres ont dit on va édifier une sorte de sanctuaire. Donc ça c'était le débat ensuite qu'il y eut entre eux. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, quelle était la sagesse de cela? Allah jalla wa ala nous dit, lorsque Allah ensuite leur a donné les a mis dans ce profond sommeil, ensuite Allah jalla wa ala les a éveillés, ensuite Allah reprendra leur vie. Donc il les laissera comme un signe. Pourquoi? Allah jalla wa ala nous dit, li ya'lamu anna wa'dallahi haqq, pour que les gens sachent. Et surtout Allah Jalla wa Ala nous dit les habitants de cette cité pour qu'ils sachent que la promesse d'Allah est véridique et que l'heure il n'y a point de doute sur la venue de l'heure. Donc ça c'est le premier point. Et on avait dit qu'à l'époque, parmi les polythéistes de l'époque et les païens de l'époque, le fait qu'ils, parmi leurs convictions, le fait qu'ils reniaient la résurrection. Le fait qu'ils reniaient la résurrection. Et donc là, Allah subhanahu wa ta'ala a donné un signe pour les gens que la résurrection pour Allah, c'est quelque chose d'aisé et de simple et de facile. Et Allah, comme il a donné vie après le néant, alors que ces gens étaient néants, il a donné existence aux êtres, à ces créatures, alors qu'elles n'existaient pas, alors qu'elles étaient néant, dans le néant, alors il est plus aisé pour Allah subhanahu wa ta'ala de leur redonner vie subhanahu wa ta'ala. Donc ceux qui renient la résurrection, qui renient le fait que les gens seront ressuscités, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala leur enseigne un signe immense et leur prouve que la résurrection pour Allah c'est quelque chose d'aisé. Et de ne point et qui n'est point difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre autres, en plus c'est un signe puisque comme on a dit, beaucoup d'exégètes disent qu'ensuite ces gens-là, à l'époque lorsque se sont réveillés de leur profond sommeil qui a duré longtemps, ces jeunes de la caverne, ensuite alors qu'ils avaient fui leur peuple qui était des païens polythéistes, lorsqu'ils vont se réveiller, beaucoup d'exégètes nous enseignent, nous disent que ce peuple-là sera un peuple sur la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ensuite, les versets suivants, Allah jalla wa ala nous dit, c'est Yaquluna thalathatun rabi'uhum kalbuhum, wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajman bil ghaib, wa yaquluna sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, qul rabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil, fala tumari fihim illa mira'an zahiran wa la tastafti fihim minhum ahada. Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'ensuite, ils disputeront aussi sur leur nombre. Les gens disputeront sur leur nombre et débattront. Combien étaient-ils? Maintenant, concernant la question, combien étaient-ils ces jeunes qui s'étaient réfugiés dans la caverne et dont Allah subhanahu wa ta'ala ensuite les a mis dans un profond sommeil qui a duré des générations, qui a duré des années et des années. Combien étaient-ils ces jeunes de la caverne? Allah Jalla wa Ala nous dit, سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب. Alors, ils te diront, ils disputeront sur cela, et aussi sur leur nombre, et te diront, ils étaient trois. Ils étaient trois, leur chien étant le quatrième. Et certains diront, ils étaient cinq, et leur chien étant le sixième. Ils diront, autres aussi, en conjecturant sur leur mystère. Ils étaient sept et leur chien était le huitième. Et ils affirmeront d'autres encore, d'autres choses encore, comme nous dit Allah, une traduction de ces versets. Alors, les gens ensuite, Allah Jalla dit, ils te diront qu'ils étaient trois. Donc, ils polémiqueront sur le nombre. Combien étaient-ils ces jeunes? Donc, Allah Jalla nous dit, certains diront, ils étaient trois. Rabi'hum kalboum, le quatrième était le chien. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ. Et certains te diront qu'ils étaient cinq, le sixième était le chien. Et tout cela, رَجْمًا بِالْغَيْبِ. Le sens de cela, comme dit Ibn Kathir, أي قَوْلٌ بِلَا عِلْمٍ. En réalité, tout ce qu'ils diront, c'est une parole dénuée de science, de savoir. Ils parleront sans savoir. كمن يرمي إلى مكان لا يعرفه فإنه لا يكاد يصيب وإن أصاب بلا قصد فبلا قصد. C'est comme une personne, par exemple, qui veut viser une chose mais ne connaît pas l'endroit. Il ne connaît pas l'endroit. Donc il ne pourra jamais atteindre sa cible. Il cible quelque chose mais il ne connaît pas sa cible. Donc il ne pourra jamais atteindre sa cible. Et s'il l'atteint, ce n'était pas de son propre voulu. Et donc de ce fait, Ibn Kathir ici nous donne un peu un exemple, une comparaison de ceux qui parlent sans savoir et ceux qui parlent sans science. Donc Allah Jalla wa'ala nous dit que les gens vont conjecturer, les gens vont polémiquer, les gens vont émettre des hypothèses. Ils vont débattre sur le fait, mais combien était-il? Combien était-il dans la caverne? Et Allah subhanahu wa ta'ala ensuite dit au prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, lorsqu'Allah fait part au prophète que les gens vont conjecturer sur cette question-là, combien était-il? Alors il dit au prophète, dis-leur, mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre, mais il n'en est que très peu qui le savent. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet et ne prends pas l'avis de personne à cet égard. Et ne prends l'avis de personne à cet égard. Donc Allah ensuite s'adresse au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en lui disant, dis-leur, mon Seigneur est le mieux informé de leur nombre. Au sujet du nombre des jeunes de la caverne, combien était-il dans la caverne? Allah Jalla wa'ala dit au prophète, dis-leur qu'Allah Jalla wa'ala était mieux informé. Et donc, Allah Jalla wa'ala met en garde le prophète en somme de polémiquer avec eux sur cette question-là. Ne pousse pas trop loin la discussion à leur sujet et ne prends l'avis de personne à cet égard. Et Allah Jalla wa'ala donc dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, wa la tastafti fihim minhum ahada. Et ne prends l'avis de personne. Personne sur cela. Et donc, combien était-il? Wallahu a'lam. Seul Allah le sait. Combien étaient-ils les jeunes de la caverne? Seul Allah le sait. Et de là, beaucoup de savants nous disent, pourquoi? Parce qu'ici, on a une grande leçon. L'important, c'est de tirer leçon de ce qui s'est passé. Mais combien étaient-ils exactement? La science revient là. Allah connaît le nombre. De combien étaient-ils exactement dans cette grotte, ces jeunes qui ont fui les persécutions de leur peuple? Mais nous, ce qui nous est important, c'est de tirer les cours et les leçons, de s'instruire, de tirer leçon de cette histoire qui est immense et qui est une source de quiétude, de tranquillité pour les croyants. Il y a un encouragement, il y a une source de quiétude, de tranquillité, il y a un grand rappel pour tous les croyants qui viendront ensuite, pour toutes les générations suivantes et prochaines. Un grand rappel. Donc ce qui est important pour le croyant, c'est de tirer les enseignements, comme on l'a dit précédemment, de cette leçon. Par contre, il y a un élément subtil ici dont vont faire allusion beaucoup d'exégètes dans l'explication de ces versets. Allah dit au prophète « قُلْ رَبِّ أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ » Donc Allah dit au prophète, en somme, seul Allah connaît véritablement le nombre. Le nombre, combien était-il? « مَا يَعْلَمُهُمْ » Mais Allah subhanahu wa ta'ala dit ensuite « مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ » Et personne ne connaît exactement le nombre si ce n'est peu. Donc Allah dit au prophète, Allah est le connaisseur de leur nombre exact. Allah sait combien étaient-ils. Mais Allah subhanahu wa ta'ala aussi nous dit, et très peu le savent. Très peu le savent. Et donc c'est pour ça que certains savants ont dit qu'il ne faille pas chercher combien ils sont, puisque ce n'est pas ça qui est important, combien ils étaient dans la grotte. Donc certains savants disent, par rapport à ces versets, ils déduisent qu'il ne faille pas chercher, et on ne peut pas connaître le nombre, seul Allah le connaît. Et d'autres savants ont dit si, il est possible de connaître le nombre. Il est possible de connaître le nombre. Et du fait qu'ils ont dit, Allah Jalla wa'ala dit ensuite, Ma ya'lamuhum illa qalil. Et personne n'en connaît le nombre, si ce n'est que très peu. Que très peu, c'est-à-dire une partie infime de gens connaissent. Mais très peu de gens. Très peu de gens connaissent la réponse à cette question. Combien étaient-ils exactement? Et donc ça, c'est une subtilité. Et c'est pour cela que Ibn Kathir, dans son tafsir justement de cette partie, de cette parole, « Ma ya'lamuhum illa qalil » et que très peu, une partie infime, en connaît la réponse, « Ay minan nas » c'est-à-dire une partie de gens. Infime connaît la réponse. « Qala Qatada » et c'est pour ça que « Qatada » comme rapporte Ibn Kathir d'après Qatada, est dit d'après Abdallah ibn Abbas. Abdallah ibn Abbas, le célèbre compagnon, le spécialiste dans le commentaire et l'interprétation des versets, il rapporte Qatada que Abdallah ibn Abbas, il dit Ana min al-qalil alladhi istasna Allahu azza wa jal. Abdallah ibn Abbas, il dit et moi je fais partie de cette partie infime de gens qu'Allah Jalla a fait l'exception, dont il a fait l'exception en disant, et une partie infime de gens en connaissent la réponse. Et Abdallah ibn Abbas disait, et moi je fais partie de ces gens qui connaissent la réponse. C'est pour ça que Abdallah ibn Abbas, il est rapporté qu'il a émis un nombre. Qu'il a émis un nombre. Dans une version, il a dit, wa kanu sabara. Wa kanu sabara. Et dans une version, il dit, ils étaient sept. Donc Abdallah ibn Abbas, lui, considérait que lui avait la réponse. Et qui faisait partie de ce peu de gens dont Allah Jalla wa Ala a dit à leur sujet qu'ils avaient la réponse. ثم قال الله عز وجل في بعض الآيات في الآية قال زد جل وعلا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. Et ensuite Allah dans un verset dit et ne dis jamais sur une chose que tu veux faire demain, ne dis jamais cette chose sans dire insha Allah, sans dire si Allah le veut. Et donc on voit que dans ce verset Allah Jalla wa Ala s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, il commande au prophète sallam de jamais dire sur une chose qu'il voudrait faire demain, inni fa'ilu dhalika ghadan illa an yasha Allah, sans dire inshallah, sans faire l'istithna. Et là, beaucoup d'exégètes qui, eux, ont rapporté l'histoire qu'on avait dit précédemment dans la première assise, lorsque il nous est rapporté, il nous est relaté dans une histoire la cause de la révélation de cette sourate. Donc on avait mentionné cela, on avait relaté cela, cette cause de la révélation de cette sourate, lorsque les polythéistes étaient désemparés, alors face aux arguments et à l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et pour voir si c'était véritablement un prophète envoyé d'Allah, subhanahu wa ta'ala, alors ils se rendirent à Médine auprès de la communauté juive pour demander, pour décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam à certains rabbins. Et de là, ils revinrent à la Mecque avec trois questions, comme on avait relaté cela. Et on avait dit, cette histoire-là, concernant la cause de la révélation de cette sourate, est relatée, on avait dit, dans les livres d'exégèse, dans les livres de tafsir, Kutub al-Tafsir, et en l'occurrence, c'est relaté par, on avait dit, Ibn Jarir, c'est relaté par aussi par Mohamed Ibn Ishaq, qui est un spécialiste dans le domaine de la biographie du prophète, dans les premières générations, et c'est relaté par Ibn Kathir et d'autres commentateurs. Et d'autres commentateurs, justement, des sourates du Coran. Eux, donc, les savants, ces spécialistes qui voient l'authenticité et la fiabilité du récit, donc, eux disent que lorsque les polythéistes de la Mecque ensuite interrogèrent le prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, sur ça, le prophète leur dit, je vous rapporterai une réponse demain. Donc, il devait revenir le lendemain. Et à chaque fois qu'il revenait, le prophète n'avait pas reçu de réponse du fait qu'il est relaté dans l'histoire que le prophète avait omis de dire Inch'Allah. Inch'Allah, et pour cela, il a fallu 15 jours. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, était attristé, était triste, jusqu'à ce qu'au bout de 15 jours est venue la révélation, comme c'est mentionné dans l'histoire. Donc les exégètes, eux, mentionnent que ce verset, lorsqu'Allah dit au prophète « Wa la taqulanna li shay'in inni fa'ilu dhalika ghadan » Illa ayyasha Allah. Et ne dis pas sur une chose que tu voudrais faire demain, que tu la feras sans dire Inch'Allah, si Allah le veut. Donc ils disent, ça, c'est un rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala pour le prophète de ne pas omettre de dire Inch'Allah lorsque il doit faire une chose, il a l'intention de faire une chose, de remettre cela à la volonté d'Allah, de remettre cela à Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut se faire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que les savants, comme Ibn Jarir al-Tabari, dans son tafsir, il dit « Wa hada ta'dib min Allahi azza wa jal li nabiyyi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam ahada ilayhi alla yajzim » على ما يحدث من الأمور أنه كائن لا محالة إلا أن يصله بمشيئة الله لأنه لا يكون شيء إلا بمشيئة الله جل وعلا وإنما قيل له ذلك فيما بلغنا من أجل أنه وعد سائله عن المسائل الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى. Et donc Ibn Jarir donc va faire allusion à cette histoire qu'on a relatée précédemment concernant la révélation de cette sourate et dire alors que toute chose qu'on veut faire, il faut lier cela à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et rien ne peut se produire sans la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. لِأَنَّهُ لَا يَكُنْ شَيْءٍ إِلَّا بِمَشِيَّةِ اللَّهِ وَإِنَّمَا قِيلَ لَهُ ذَلِكَ فِيمَا بَلَغَنَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ وَعَدَ سائلين عن المسائل الثلاث اللواتي قد ذكرناها فيما مضى. Et comme dit Ibn Jarir, donc il fait bien le lien avec cette histoire qui nous est relatée concernant la révélation de la sourate, lorsque le prophète Hassan avait promis justement aux questionneurs parmi les Quraysh, parmi les polythéistes, de leur apporter la réponse, de leur apporter la réponse. Voilà en ce qui concerne ce point que nous relatent justement les exégètes dans le commentaire de ces versets. Ensuite, parmi les grands enseignements à tirer, ou min al-fawaid wal-athar al-imaniyya, à tirer de cette sourate, alors il y a de nombreux enseignements, vraiment à méditer. Et au sujet des gens justement de la caverne, Allah donc nous enseigne que c'est des gens qui avaient foi dans le même dogme au monothéiste que celui qui est présenté dans le Coran. Et que les conditions dans lesquelles ces gens vivaient correspondaient trait pour trait à celles des musulmans persécutés à la Mecque. Donc regardez cette similitude. On voit que la révélation de cette sourate, donc, c'est pendant la période mécoise. Donc c'est la période où les musulmans sont persécutés à la Mecque par les polythéistes Quraïchites. Et donc on voit que dans cette histoire de la caverne aussi, c'est l'histoire de jeunes monothéistes qui sont persécutés par leur peuple. Et donc, ils sont menacés de revenir, de revenir sans religion, donc de renier leur religion. Le même cas qui se produit à cette époque à la Mecque. Et donc, on voit aussi bien, c'est un rappel pour les Quraysh, pour les polythéistes de l'époque du prophète, du fait que comme vous persécutez, vous, les croyants, comme vous persécutez les monothéistes de votre peuple, eh bien, à l'époque, ces gens-là, ces païens polythéistes, persécutaient les croyants. À l'époque. Donc regardez ce parallèle. Deuxièmement, aussi c'est un rappel pour les croyants, pour ceux qui étaient avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, du fait que comme les jeunes à l'époque, monothéistes de ce temps-là, concernés dans cette histoire, étaient persécutés, de même vous aussi vous l'êtes. De même vous aussi vous l'êtes. Et donc, à travers l'histoire justement des jeunes de la caverne, c'est un rappel justement pour les croyants. Qu'Allah Jalla Wa'ala fait. Il fait une grande exhortation, un grand rappel ici pour les croyants à l'époque qui étaient persécutés à la Mecque, qui étaient auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit, c'est pour ça que ceux qui persécutaient les gens de la caverne agissaient de la même manière que les persécuteurs Quraïchites. En outre, les musulmans ont appris de cette sourate que tout croyant qui serait persécuté dans une société cruelle ne devait pas céder devant le mensonge. Mais plutôt, qu'est-ce qu'il fallait faire? Plutôt s'exiler, même seul, et en ne comptant que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne voit qu'elle est persécutée dans une société cruelle, comme l'étaient ces jeunes, maintenant on a une deuxième leçon, on a un deuxième rappel. Alors, il y a le fait de s'exiler. Pourquoi? Parce que ces jeunes, Allah nous informe qu'ils se sont exilés, donc ils se sont isolés, ils ont fui la persécution, même seuls. En ne comptant que sur Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cette sourate fut l'occasion également de souligner pour ces polythéistes mécois que cette histoire des gens de la caverne constituait une preuve suffisante de l'existence de l'au-delà aussi. De l'existence de l'au-delà. Car elle montre qu'Allah a le pouvoir de ressusciter qui il veut. Et comme eux, parmi les choses qu'il réfutait aussi le peuple de Quraysh, parmi les similitudes avec les peuples précédents, Quraysh, même s'ils approuvaient et professaient la majorité des particularités de la seigneurie d'Allah, par contre, les polythéistes de Quraysh, ils réfutaient la résurrection. Ils réfutaient le fait que les hommes seront ressuscités. Et donc ça, cette sourate aussi, c'est un grand rappel pour eux, puisqu'il y a une preuve que ressusciter les hommes, c'est quelque chose d'aisé pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est quelque chose d'inéluctable dont il n'y a aucun doute sur cela. Et pour cela, on voit que dans cette sourate aussi, cette sourate et l'histoire des gens de la caverne, elle constitue une preuve suffisante de l'existence, premièrement, de l'au-delà, car Allah montre qu'il a le pouvoir de ressusciter qui il veut, même après une longue mort, comme ce fut le cas justement pour les gens de la caverne. Après une longue mort, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné vie et les a éveillés, subhanahu wa ta'ala. Et donc ça, c'est très important, c'est un point très important. ولذلك قال الله عز وجل إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Et c'est pour ça, dans le verset 10, justement dans la même sourate, dans la sourate Kahf, Allah Jalla wa'ala, lorsqu'il nous dit que, justement, ces jeunes ont trouvé refuge dans la caverne. Et lorsqu'ils se sont trouvés dans la caverne, donc ils ont imploré Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc ils ont dit à Allah, Rabbana, atina min ladunka rahmatan. Rabbana, atina min ladunka rahmatan wa hayy lana min amrina. Rashada. Donc ils invoquèrent Allah lorsqu'ils se sont retrouvés dans la caverne de cette manière en disant « ô Seigneur, Rabbana atina min ladunka rahma, atina min ladunka rahma » une traduction rapprochée du sens. Et lorsque les jeunes se réfugièrent dans cette caverne, ils firent cette prière « ô Seigneur ». Ô Seigneur, insiste-nous par un effet de ta miséricorde. Par un effet de ta miséricorde. Effet que notre conduite soit conforme à la rectitude. Notre traduction rapprochée. Et donc, regardez, ils se sont réfugiés, donc ils ont fui. C'est pour cela, parmi les enseignements aussi à tirer de cette sourate, parmi les immenses enseignements à tirer, les leçons à tirer, on voit que dans cette sourate, ça nous montre à l'époque que dans certains lieux, les gens de la foi étaient amenés à connaître de la part de certains hommes des épreuves et donc des persécutions. Et parmi ceux qui ne croient pas, c'est-à-dire que ceux qui ne croyaient pas persécutaient ceux qui croyaient. Et il montre comment ces hommes peuvent être alors sans pitié, sans aucune pitié, et montre une détermination sans faille à contraindre les croyants à abandonner leur foi. Donc cela, on voit à travers cette sourate que c'est en tout temps. Aussi bien l'histoire qui est mentionnée dans cette sourate, la caverne, à l'époque, ces jeunes qui ont vécu, donc on a dit, certains exégètes pensent que c'est à l'époque entre Issa et le prophète Mohammed, à l'époque romaine, donc pensent que c'est plutôt à l'époque des Banu Israël. Donc ces temps anciens, on voit déjà qu'Allah nous parle de ces gens dans l'histoire qui étaient persécutés. Et ces gens, elle est relatée à des gens qui sont persécutés, en l'occurrence, au peuple du prophète, au prophète lui-même et à son peuple, aux croyants qui sont avec lui à la Mecque. Donc des siècles après, cette histoire est relatée aussi à des croyants qui sont persécutés par leur peuple. Donc on voit que cette sourate, elle montre les difficultés que, à toute époque et en certains lieux, les gens de la foi peuvent être amenés à connaître. De la part de qui? De la part de gens qui ne croient pas. Et il nous est montré comment ces hommes peuvent être alors sans pitié et sans aucune pitié et montrer une détermination sans faille à contraindre justement les croyants à abandonner leur foi et à abandonner leur religion. Et le récit justement révèle que le prophète Hassan était encore à la Mecque. Pour cela, c'est à l'époque, lorsque le prophète Hassan reçoit ce récit, c'est qu'il est à la Mecque. Et donc enseigne ceux qui sont autour de lui qu'un jour, ils devront aussi faire ce que ces jeunes ont fait. Et qu'est-ce que ces jeunes ont fait? On voit que dans cette sourate, c'est comme si il y a un enseignement aux compagnons du prophète, sallam, qui devront faire ce que ces jeunes ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes? Ils ont fui. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces jeunes? Ils ont émigré. Ils ont quitté leur pays pour aller dans la vaste terre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans un lieu où croire en lui et l'adorer peuvent être faits sans oppression. Dans un lieu où il n'y en aura pas d'oppression, ni de pression pour les croyants. Et l'histoire, on voit qu'elle montre également que malgré la faiblesse matérielle ou bien sociale dans laquelle les croyants sincères se trouvent, l'aide de leur Seigneur viendra sous une forme ou une autre. Et cela tôt ou tard, à eux ou aux générations de croyants qui les suivront, et auxquels le message sera parvenu grâce au sacrifice de leurs prédécesseurs et aux efforts de leurs prédécesseurs. Donc quoi qu'il arrive, le secours d'Allah viendra. Et quoi que puisse être la faiblesse matérielle ou bien sociale dans laquelle les croyants sont, Allah Jalla wa'ala les assistera. Et c'est pour cela qu'il faut enfin retenir que cette histoire, que la situation, il faut retenir de cette histoire. Donc on comprend parmi les enseignements que la situation change. Et si le croyant fait preuve de patience face à l'oppression, et face aux pressions, que certains non-croyants leur font subir à cause de leur foi, tôt ou tard, un jour viendra où la situation s'améliorera et où le croyant et les croyants pourront adorer leur Seigneur sereinement et paisiblement. À ce moment-là, eh bien, que lui ne sera peut-être plus de ce monde. Peut-être que lui qui vit là, lorsque les croyants, eux, eh ben, pourront adorer Allah sereinement, peut-être que lui fera plus partie de ce monde. Regardez, comme c'est l'histoire des jeunes de la caverne. C'est pour ça qu'il y a de nombreux enseignements à tirer, de nombreuses sagesses à réfléchir. Le croyant qui sera resté brave quant à son époque, la situation, quand son époque justement, la situation, elle était difficile, aura de la part de son Seigneur une récompense auprès d'Allah qui est immense, car il aura contribué, même si lui, à son époque, il n'y a pas encore cet apaisement, il n'y a pas encore cette sécurité, même si à son époque ce n'est pas encore le cas, mais du fait qu'il va contribuer avec l'appel, avec la darwa, avec sa patience, alors du fait qu'il va contribuer, alors il aura une récompense immense auprès d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il aura contribué à la réalisation de cette situation de stérilité. Comment? En ayant gardé et en ayant transmis aux générations suivantes. Elle y mène la foi, le tawhid, pendant des temps difficiles, alors que les temps étaient difficiles. Et vous avez vu dans un hadith, le prophète Sassam, ce qui encourage et ce qui apporte de la tranquillité, le prophète Sassam dit, celui qui adore Allah subhanahu wa ta'ala en période de harj, en période de trouble, en période de meurtre, lorsque le meurtre se banalise et se propage sur terre, donc c'est vraiment des périodes de trouble, le prophète Sassam dit, celui qui adore Allah en cette période-là, c'est comme si qu'il a émigré vers lui. C'est comme si il a émigré vers lui. Et donc ça fait partie des enseignements à tirer vraiment de cette sourate qui sont immenses. السورة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. Et donc aussi, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qu'il faut méditer aussi, parmi les choses à méditer, c'est que dans un verset, ensuite, Allah jalla wa'ala va mentionner la rétribution des croyants, justement, de ceux qui feront preuve de patience. Donc Allah subhanahu wa ta'ala mentionne ensuite, lorsque vous méditez, et donc vous continuez la lecture des versets, ensuite Allah jalla wa'ala va mentionner la rétribution, justement, des croyants. Et Allah Jalla Wa'ala nous dit une traduction du sens des versets, et ceux qui auront cru et qui auront accompli des œuvres pieuses, sauront que nous ne laisserons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. Donc Allah Jalla Wa'ala nous enseigne que ceux qui auront cru et qui pratiqueront les bonnes œuvres, Allah dit, ils sauront que nous laisserons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. À cela, ensuite, Allah Jalla Wa'ala nous dit, traduction du sens, à cela sont réservés les jardins d'Éden où coulent des ruisseaux et où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts, de soie et de brocart, et accoudés sur des divans. Quelle belle récompense et quel magnifique séjour! Donc vous avez vu, ensuite, Allah Jalla Wa'ala nous mentionne parmi les récompenses que connaîtront les croyants ensuite dans les jardins où coulent ces ruisseaux. Et Allah nous dit, Ni'ma thawab wa hasunat murtafaqa, à la fin de ces versets. Et il dit, et quelle belle récompense et quel magnifique séjour. Pour cela, qu'est-ce qu'il leur a réservé? Allah Jalla wa'ala nous dit, il leur a réservé des jardins, de paradis. Et dans ce paradis, donc des jardins où coulent des ruisseaux, où ils seront parés de bracelets d'or, vêtus d'habits verts de soie et de brocart et accoudés sur des divans. Et quelle belle récompense et quel magnifique séjour. Donc vous avez vu, après qu'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça sa médité, nous a parlé de l'histoire des jeunes de la caverne, de ce qu'ils ont subi. Et donc c'est un exemple, on a dit, pour tous les croyants qui viendront. Et donc de tirer leçon de cela. Ensuite, Allah Jalla wa'ala nous mentionne la récompense pour les croyants. Et le fait qu'ils ont cru et le fait qu'ils ont accompli les œuvres bien, jamais Allah subhanahu wa ta'ala délaissera cela. C'est-à-dire, comme Allah Jalla wa'ala nous dit, pour cela, ceux qui ont cru et accompli le bien, ils sauront que nous laisserons jamais perdre la récompense de celui qui fait le bien. Il verra la récompense et la rétribution de tout le bien qu'il a fait ici-bas. Et l'imam Al-Qurtubi, dans son tafsir, un célèbre exégète, qui a justement un livre de tafsir du Coran, Al-Qurtubi, justement, lorsqu'il va expliquer le verset, lorsqu'il nous a dit que Al-Fitya, les jeunes se sont réfugiés dans la grotte. Ensuite, ils ont invoqué Allah en disant le verset qu'on a cité dans ce qui a précédé, le verset 10 de la même sourate. Il dit هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف من الفتنة خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة. Et là, il va dire que dans ce verset, lorsqu'il nous est dit que ces jeunes alors se sont réfugiés dans la grotte, c'est parmi les enseignements à tirer le fait qu'ici il y a un verset qui montre clairement le fait de fuir avec sa religion. Lorsqu'on a peur pour sa religion, et lorsqu'on a peur donc pour sa religion, le fait de fuir et de s'isoler des troubles, fuir les troubles qui se propagent. Et donc ça nécessite, ceux qui par exemple ensuite émigrent, ça nécessite souvent, il dit, ils vont quitter alors leur patrie, ils vont quitter des proches, ils vont quitter des bienheureux, des bien-aimés plutôt, ils vont quitter des amis, ils vont quitter leurs biens. Parfois, ils vont quitter leur bien, donc laisser leur bien derrière eux, ce qu'ils possédaient. Cela, pourquoi? Pourquoi laisser leur bien, laisser des amis, laisser cette patrie? Pourquoi? Pour préserver leur religion. Pour préserver leur religion et délaisser les troubles. Délaisser les troubles. وَمَا يَلْقَاهُ الْإِنسَانُ مِنَ الْمِحْنَةِ. Et délaisser cette oppression, ces épreuves qu'ils vivent dans cette terre. Et donc, c'est pour ça que Al-Qurtubi, l'imam dans son tafsir, fait allusion à cela. Il dit وَقَدْ خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرًّا بِدِينِهِ وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ وَهَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ. Il dit, et de ce même fait-là, le prophète صلى الله عليه وسلم, lui aussi a fui avec sa religion, lui et ses compagnons, lorsqu'ils ont quitté la Mecque. هَجَرُوا أَوْطَانَهُمْ. Ils ont quitté leur terre, leur patrie. وَتَرَكُوا أَرْضَهُمْ. Ils ont laissé justement ce qu'ils possédaient. Ils ont laissé leurs biens. تركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأولادهم. Ils ont laissé beaucoup d'entre eux leur terre, leurs biens, des proches. Certains ont même laissé des enfants. وإخوانهم. Certains ont laissé même des frères à eux. رجاء السلامة بالدين. Du fait qu'ils voulaient être à l'abri et se mettre à l'abri et mettre leur religion à l'abri. والنجاة من فتنة الكافرين. Et de ce fait s'éloigner, se sauver de tous les troubles. من فتنة الكافرين وقد جعلت طائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك إن كنت بين أظهرهم. Et certains savants, il dit, ont dit que, on parlait de ce qu'on appelle l'uzla, le fait de s'isoler. Donc si, ils ont dit que si par contre les gens ne peuvent pas partir et vivent au sein d'un peuple qui persécute et qui oppresse, les croyants, alors là, à ce moment-là, les croyants s'isolent du mal de ces gens. S'isolent du mal de ces gens. Et cela avec le cœur, ou l'armel, avec le cœur et les actes. In kunta bayna adhurim. Il dit si la personne vit au sein de ces gens. Wa qala Ibn al-Mubarak, c'est pour ça que certains savants mentionnent aussi la parole d'Ibn al-Mubarak dans l'explication de ce qu'on appelle al-uzla. Al-uzla en arabe, c'est le fait de s'isoler. أن تكون مع القوم إذا خاضوا في ذكر الله فخذ معهم. Ibn Mubarak disait que l'uzla, c'est quoi? Si le peuple alors parle du rappel d'Allah et donc évoque le rappel d'Allah, alors il dit évoque le rappel d'Allah avec eux, sois avec eux dans le rappel d'Allah. وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. Par contre, s'il polémique sur autre chose et débat sur autre chose, alors il dit garde le silence et tais-toi. Et comme cela, il nous est rapporté que à l'époque, des compagnons qui avaient assisté à Badr, falazimu buyutahum ba'da qatl Uthman, falam yakhruju illa ila quburihim. Il est rapporté que après l'assassinat du troisième calife de Uthman, ils sont restés dans leur demeure. Wa'tazalu. Ils se sont isolés et sont restés dans leur demeure. فَلَمْ يَخْرُجُوا إِلَّا إِلَى قُبُورِهِمْ. Ils ne sont pas sortis de leur demeure si ce n'est pour aller vers leur tombe, comme il est rapporté. وَذَكَرَ إِبْنُ الْمُبَارَكَ كَذَلِكَ. Et Abdallah ibn al-Mubarak rapporte aussi que lui a rapporté Haddasana Wahib ibn al-Ward. Un homme lui a rapporté Qala Ja'a rajulun ila Wahb ibn al-Munabbih. Un homme est venu et s'est rendu chez cet illustre et grand imam parmi les pieux prédécesseurs qui s'appelait Wahb ibn al-Munabbih. Faqala lahu inna nas waqa'u fi ma fihi waqa'u. Les gens sont tombés dans des choses comme tu le vois. Waqad haddathni nafsi alla ukhalithum. Alla ukhalithum. Faqala la taf'al. Donc un homme est venu voir Wahm ibn Munabbih et lui a dit: tu as vu dans quoi les gens sont et dans quoi est-ce que les gens sont tombés à son époque, hein. Et ça fait partie des premières générations. Waqad haddathat ni nafsi. Et il dit waqad haddathatni nafsi, et moi, mon âme, elle me dit, en fond de moi, je me dis que je me mélange plus à ces gens. Faqala la taf'al. L'imam lui dit: ne fais pas cela. Innahu la budda laka minan nas, car tu as besoin des gens. Wa la budda lahum minka, et les gens ont besoin de toi. Wa laka ilayhim hawa'ij, et donc toi, tu as des besoins par rapport à eux. Wa lahum ilayka hawa'ij, et eux aussi ont des besoins par rapport à toi. Donc parfois, tu as besoin de choses, de services, dans une explication. Walakin kun fihim asam sami'an, a'ma basiran, sakutan natuqa. Mais regardez ce qu'il va lui recommander. Observez bien ce qu'il va lui recommander. Il lui dit, walakin kun fihim asam sami'an. Alors il dit, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Mais par contre, il dit, sois avec eux comme un sourd qui entend. Ou un arme basiran, et un aveugle qui voit. Ou sakutan natuqa, et une personne muette qui parle. Regardez. Donc ça, à l'époque, c'était une société. À l'époque, c'était des. Il y avait beaucoup de gens de science, de gens de savoir. C'est à l'époque des salafs, à l'époque de ces premières générations. Et donc, cette personne qui dit à Wahb ibn Munabbih, qui dit à ce grand imam, regarde en quoi les gens sont tombés. Et donc cette personne se dit, au fond de moi-même, je me dis que je m'isole et je me mélange plus à ces gens. Faqala la taf'al, elle lui dit, ne fais pas cela, car tu auras des besoins, eux ils ont des besoins, etc. Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Mais il dit, sois alors comme un sourd qui entend, un aveugle qui voit, et une personne muette qui parle. Voilà chèque, un anasir téléphone fait meshra'at l'i'tizal. Faman kana qawiy al-iman يؤثر في غيره دون أن يتأثر بهم كثير تأثير فالمستحب في حقه أن يخالط الناس ويؤثر فيهم بالخير ما استطاع. Et donc, des savants nous disent que les gens varient au niveau de la foi. Il y en a, ils ont une foi forte, plus forte. Donc, eux, au niveau de la question de l'Etizel, du fait de s'isoler du mal des autres, puisqu'il y a beaucoup de gens qui voient quand leurs frères ou leurs sœurs ont des manquements au niveau du comportement, alors ils disent, moi, je veux plus côtoyer. Alors il y a des sœurs qui s'isolent et qui côtoient plus les sœurs parce que elles parlent de qu'il y a un manquement de comportement et autres. Et des frères aussi. Donc ça rappelle. Et des frères aussi qui disent, oui, les frères, mauvais comportement. Donc ils se plaignent du comportement de certains frères. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, alors je m'isole. Je m'isole, je reste seul. Mais là, regardez. Là, dans l'histoire de Wahm ibn Munabbih, il dit la taf'al, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Et celui justement qui va côtoyer les gens et patienter sur le mal des gens est meilleur. Et donc il lui dit, par contre, tu auras besoin d'eux comme ils ont besoin de toi, on vit en communauté, mais sauf que sois comme un sourd qui entend, un aveugle qui voit, et un sakoutan, un muet qui parle. Voilà chèque, et il dit, et en ce qui concerne Eliatizel, les savants nous disent en ce qui concerne le fait de s'isoler, les gens varient. Il y en a qui ont une foi forte, qui ont une foi, qawil iman. Et eux, au contraire, c'est plutôt eux qui influencent, qui ont une influence sur les autres, que eux-mêmes soient influencés. Donc ceux qui ont plutôt une influence sur les autres, une bonne influence, on parle d'une bonne influence, alors eux, justement, ils doivent être, justement, une bonne compagnie pour les autres et justement faire le rappel et être influents. Du fait qu'eux, ils ont une foi forte, ils peuvent influer. Et eux ne sont pas impactés, ils ne sont pas influencés, justement. Fa al-mustahab fi haqqihi, donc lui, il est recommandé qu'il se mélange et justement, yu'athir fihim bil khair, et qu'il soit une source de bien pour autrui selon ses capacités, ils disent, selon ses capacités. Par contre, celui qui a une foi faible, et lui, il n'aura pas d'influence et d'impact sur autrui. Et lui, il craint pour lui la fitna et perdre sa religion et la baisse de sa foi. Lui, il incombe à lui de s'isoler. Lui, il lui incombe de prendre garde, de s'isoler. Donc là, ce qu'on a parlé, c'est les atizel. C'est une catégorie des atizel, comme on a dit. Une catégorie des atizel. Par contre, les savants disent, en ce qui concerne s'isoler des gens du mal et de la corruption et du fasad, lorsqu'ils désobéissent à Allah, alors là, il faut, c'est une obligation pour le musulman qui espère Allah et le jour dernier de s'isoler. De s'isoler à ce moment-là. Ama atizal ahl ash-sharr wal fasad idha asaw Allah azza wa jal aw khadu fima yughdib Allah. Alors, en ce qui concerne, ils disent les savants, les gens du mal et de la corruption, lorsqu'ils désobéissent à Allah, ou bien polémiques sur des sujets qui mettent en colère Allah, qui attire la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, fa wajibun ala kulli muslim, l'obligation pour tout musulman, yarjullah wal yawm al-akhir li'atizal. L'obligation ici pour tout musulman qui espère la rencontre d'Allah et le jour dernier, donc là, de s'isoler. Wa idha kana an-nas yuti'un wa ya'sun fa 'ala al-muslim an yukhalitahum fi at-ta'a. Par contre, si ce sont des gens qui obéissent à la base à Allah, mais parfois ils désobéissent. Yuti'un wa ya'sun. Fa'al al-muslim, donc là, si c'est des gens à la base qui obéissent à Allah, fa'al al-muslim an yukhalitahum. Donc là, le musulman, il côtoie, il se mélange fi at-ta'a dans les choses qui font partie de l'obéissance à Allah. Par exemple, an yukhalitahum fi at-ta'a ka salat al-jama'a, comme par exemple la prière en commun, ou al-jumu'a, la prière du vendredi, ou durus al-ilm, dans les cours de science, ou tashyi' al-janaiz, dans le fait de suivre les cortèges funèbres, ou iyadat al-marada, et le fait de visiter les malades, ou an ya'tazilahum idha asa Allah azza wa jalla. Par contre, ils s'isolent lorsqu'ils voient que ces gens désobéissent à Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika fil makruhat wa fudul al mubahat wallahu a'lam. Et du même fait aussi dans les choses détestables, dans les choses détestables. Donc voilà, ça c'est la parole de certains savants, des savants concernant certains enseignements profitables à tirer de cette sourate. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.